Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le bed-in de John Lennon et Yoko Ono à Montréal en 1969. Le Beatle John Lennon et sa femme Yoko Ono se sont couchés aujourd'hui dans un hôtel de Montréal et ils ne quitteront le lit que dans une semaine, et oui, car ils veulent ainsi protester à leur façon contre la violence qui existe partout dans le monde. Je ne mets pas en doute forcément l'intégrité, l'honnêteté des gens qui posent ces gestes-là, comme John Lennon, qui était très exalté sur ces sujets-là. Je ne pense pas que ça a été très important pour la suite du développement de la paix et tout le reste. Je pense que ça a été un coup de marketing formidable pour eux. Et ça a été un coup de marketing, même si ce n'était pas prévu, pour Montréal. Du 26 mai au 2 juin 1969, John Lennon et Yoko Ono organisent à Montréal un bed-in pour la paix, un concept qu'ils ont inventé quelques semaines auparavant dans un hôtel d'Amsterdam. On peut légitimement s'interroger, comme le fait René Aumirois à l'émission Tout le monde en parlait en 2014, sur l'impact réel qu'a eu le bed-in de Montréal sur la paix dans le monde, mais il reste que c'est durant ce bed-in que va être enregistrée cette chanson qui va devenir un véritable hymne à la paix, « Give Peace a Chance ». Chez les Beatles, le cœur, c'était bien sûr McCartney et Lennon. Des deux, Lennon était surtout le penseur, le révolutionnaire. Lennon a écrit 2 livres. C'est lui qui a soulevé l'indignation aux États-Unis en déclarant que les Beatles étaient plus populaires que le Christ. C'est lui qui a retourné sa médaille à la reine pour protester contre l'appui de l'Angleterre aux Américains dans la fameuse guerre du Vietnam. C'est lui qui, plus tard, avec son plastique au no-band, enchaîna des titres qui ressemblent à des slogans contestataires, comme « Power to the people ». De fait, l'engagement social de Lennon a creusé un fossé de plus en plus profond entre lui et McCartney, ce qui devait aboutir à la dissolution des Beatles. En 1969, Lennon s'est fait apôtre de la paix dans le monde. C'est à l'époque de son mariage avec Yoko Ono. Il avait fait de son voyage de noces une sorte de pèlerinage pour la paix à travers le monde. Il visita plusieurs pays et il recevait les journalistes au lit avec sa femme. De ses nombreux bed-in, il faut souligner celui qui se déroula à Montréal au mois de mai 1969. C'est à ce moment-là, à l'hôtel Reine-Élisabeth, qu'il enregistra sa fameuse chanson « Give Peace a Chance ». Sur la chanson « Give Peace a Chance », vous entendiez Jacques Lemieux à l'émission Télé Jeans, hommage à John Lennon, une émission diffusée le 10 janvier 1981, un peu plus d'un mois après l'assassinat de John Lennon à New York le 8 décembre 1980. Au cours de la prochaine heure, on va revivre ensemble ce bed-in qui est devenu mythique, bed-in de John Lennon et Yoko Ono à Montréal. Et c'est de la célèbre suite 1742 de l'hôtel Reine-Élisabeth que vous parvient cette émission. Une émission d'ailleurs à laquelle assiste un public restreint, 10 auditeurs, 10 chanceux qui ont participé à notre concours, le bed-in de John et Yoko. Bienvenue à cette émission, à vous tous. Pour nous parler de cette suite dans laquelle on se trouve, on est à la radio, vous ne la voyez pas, j'ai pensé inviter Joanne Papineau, qui est directrice des relations publiques de l'hôtel Fairmount, la Reine Élisabeth. Madame Papineau, bonjour. Bonjour. Prêtez-nous vos yeux, dites-nous un peu où on est. Surtout que cette suite-là, c'est plus qu'une chambre d'hôtel, c'est vraiment devenu un petit musée, un lieu de mémoire. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette chambre? Oui, c'est en effet devenu une des suites les plus connues au monde pour ce qui s'est passé ici, qui était à l'époque un peu fou. Et personne ne pouvait se douter de l'importance que cet événement allait revêtir. Mais donc, dans la suite a été rénovée en 2017. Et les architectes et les concepteurs ont voulu s'inspirer des résidences de John et Yoko, de leur voyage, de leur personnalité. Alors, on retrouve ici beaucoup de documents d'archives, ouais, de photos, multimédia, une expérience de réalité virtuelle, des archives audio dans un cabinet et des documents de l'époque. Et évidemment, le disque Give Peace a Chance. Ouais. Donc, c'est vraiment pour quelqu'un qui se passionne du Bedin ou de John Lennon, Yoko Ono, il y a de quoi faire. Là, on peut passer probablement quelques heures à regarder les photos, à écouter les archives d'époque. C'est ça qui vous attend dans cette suite-là. Oui, tout à fait. Ouais. On voulait que les clients qui séjournent ici comprennent vraiment tout ce qui s'était passé ici, qu'ils aient le temps de lire les documents, ouais, et de comprendre ce qu'ils voulaient accomplir. On a aussi tous ces documents d'archives. On a aussi une collection d'art qui est inspirée de ce qui s'est passé ici. On a des reproductions des affiches aussi que John et ses amis écrivaient là, pour promouvoir leur message. Donc, on voulait vraiment que les clients s'imprègnent de l'ambiance et respecter la vision de, ouais, John et Yoko. Qui vient dormir dans cette chambre? Est-ce qu'il y a un profil de client type, Joanne Papineau? Il n'y a pas de client type. C'est vraiment des gens qui, bon, soit soulignent un anniversaire, qui sont en voyage de noces ou des moments romantiques, parce qu'évidemment, John c'était sa deuxième lune de miel, disons. Il y a aussi des gens de l'époque, donc des fans des Beatles, des fans de John. Il y a des musiciens, des célébrités, évidemment, mais des gens qui vraiment veulent se faire plaisir, ouais, et vivre cette expérience-là. Pour l'hôtel, quelle importance a eu et a toujours cette suite dans la vie, dans l'histoire de cet hôtel? Ah, c'est sûr que c'est un des moments les plus marquants de l'histoire. Il y a d'autres moments marquants comme l'Expo 67, les Olympiques ou différentes visites de dignitaires, mais c'est sûr que c'est celui qui a la plus grande portée internationale et qui a un message, qui a un sens et dont on parle toujours aujourd'hui. Ouais. En tout cas, Joanne Papineau, merci de nous accueillir dans cette célèbre suite aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. On a déménagé tous les meubles de la chambre. On a rentré un king-size bed dans la suite 1742. Puis le monde ne s'arrêtait pas. De 8 h le matin jusqu'à 8 h le soir, ça n'arrêtait pas partout. It's a bed in, folks. I think they might think I'm going to hot up the revolution. You know, I want to cool it down. If we make people laugh. 38, 40, 42. Et puis moi, je me tenais ici parce que là, ça contrôlait toutes les trois chambres. Et puis, le monde débarquait des ascenseurs. Je lui demandais, je peux vous aider? Le témoignage d'un employé de l'hôtel Lorraine-Élisabeth qui a vécu le Bedin de 1969 à Ici Musique le 26 mai 2009 à l'occasion de la diffusion d'une journée hommage au Bedin. Pour revivre donc ce Bedin de John Lennon et Yoko Ono à Montréal au printemps 69, trois invités qui vont passer toute l'heure avec nous. La journaliste culturelle Marie-Christine Bleu, une amie de l'émission. Marie-Christine, bonjour. Bonjour, Jacques. L'historien Carl Bouchard, également habitué de l'émission. Carl Bouchard qui s'intéresse de près à l'histoire du mouvement de la paix dans le monde. Carl Bouchard, bonjour. Bonjour. Et notre mémoire vivante aujourd'hui, c'est le journaliste Gilles Goujon, qui a vécu le Bedin en 1969. Il avait réalisé à l'époque, dans le lit qui est juste devant nous, une entrevue avec John Lennon et Yoko Ono. Gilles Goujon, bonjour. Bonjour. Commençons avec vous, M. Goujon. Vous avez vécu ces événements-là. Qu'est-ce qui vous vient spontanément, tout de suite en tête, quand on parle ou reparle du Bedin de 1969? J'ai été journaliste pratiquant pendant 55 ans et c'est l'entrevue la plus imprévisible, la plus incroyable que j'ai eu à faire, parce qu'elle n'était pas prévue pour moi. C'est tout simplement un hasard qui fait qu'un réalisateur de Radio-Québec m'a dit « Viens-tu, j'ai besoin d'un journaliste, on interview Lennon. » Et ça reste, parce que vous vous êtes promené dans votre carrière un peu partout dans le monde, Gilles Goujon. Ce moment-là reste quand même pour vous dans les quelques moments les plus importants de votre carrière? Oui, parce que j'ai séjourné dans 40 pays pour faire mon métier, mais partout dans le monde, on y va quand on est journaliste parce qu'il y a habituellement des troubles, parce qu'il y a la guerre. Et je ne peux pas oublier que Lennon et sa femme dans le lit voulaient la paix. Oui. Marie-Christine Blais, qu'est-ce qui vous vient tout de suite en tête quand on repense à cet événement? Que des gens se couchent pour parler d'amour et de protester contre la guerre. Ouais. C'est une position de vulnérabilité, être couché. C'est le contraire d'un soldat. Et d'avoir cette idée, il y avait les sit-ins à l'époque d'être assis, mais assis, t'es encore dans l'action. Être couché pour dire non. soyons positifs, espérons, il va y avoir la paix. Je trouve ça symbole. Encore, je dis oui. Ouais. Oui, ça reste encore, ça pourrait être passif, alors que c'est pacifique. Carl Bouchard, vous qui êtes un spécialiste en matière d'histoire de la paix. Ben, moi, évidemment, c'est le contexte qui m'intéresse. Et puis le contexte, c'est le Vietnam. Oui. C'est une effervescence culturelle, politique, comme on a rarement vu au 20e siècle. C'est l'année 69 aussi, c'est l'année érotique. C'est toutes sortes de choses. C'est une ébullition là, culturelle, politique, qui pour moi est incarnée à travers ce geste-là. Cette chanson des Beatles, The Ballad of John and Yoko, raconte en musique, Marie-Christine Blais, le périple qu'ils vont faire, le couple qui vient de se marier, il faut le dire. Mm-hmm. Donc, il y aura un premier bed-in à Amsterdam, il y aura ensuite celui de Montréal. Et c'est un petit peu ça qu'on entend dans cette chanson-là. Parlez-moi un petit peu d'où ils en sont, John et Yoko Ono, au moment du bed-in, dans leur vie et dans leur carrière. Ben, John, lui, a 29 ans, c'est un artiste extra populaire, c'est le ex-Beatles. D'ailleurs, cette chanson, la ballade de John et Yoko, c'est le dernier single qui a vraiment eu du succès pour les Beatles. Ouais. Après ça, il n'y en a plus jamais eu. Donc, c'est un gars qui est philosophe, oui, qui est porté sur les excès et qui, d'ailleurs, va le reconnaître, qui a été violent, notamment avec les femmes. Il le reconnaît à un moment donné que ça avait été quelqu'un qui avait des sentiments assez agressifs et qui rencontre Yoko Ono, qui est de plus en plus pacifiste, de plus en plus activiste, et qui décide donc de poser des gestes pour la paix. Oui. Yoko Ono, elle a 36 ans, elle est japonaise, et c'est une artiste déjà, je dirais, extra nichée. Oui. C'est le contraire, si vous voulez, de John, mais très reconnue dans les milieux où elle est. Elle fait de la musique actuelle, elle mélange art visuel et musique actuelle. D'ailleurs, son premier concert officiel, c'est en 61 à Montréal. Et Claude Gingras de La Presse parle de son œuvre en parlant de ce poème Dada qu'on entend. C'est quand même pas rien. Oui. Et donc, elle est connue, mais dans un milieu extrêmement restreint, si vous voulez. Et de leur rencontre, tous les deux, trois ans auparavant, en 1966, dans une galerie, naît une union où le meilleur des deux, finalement, va permettre une certaine synergie. L'œuvre qu'en 1966, Yoko Ono a fait et qui attire l'attention de John Lennon, c'est une échelle sur laquelle tu montes, tu prends une loupe, tu regardes au plafond et c'est écrit « yes », « oui ». Et ça résume parfaitement Yoko, qui est quelqu'un qui croit à la générosité, à l'ouverture, à l'accueil, à l'optimisme. Ouais. Et c'est ensemble, donc, que ce relativement jeune couple, nouvellement, très nouvellement marié oui, oui. décide de partir, de faire cette balade. Oui, et puis de se dire, puisque tout le monde va nous suivre, puisqu'ils vont essayer de savoir qu'est-ce qu'on fait, ben on va en profiter, on va en faire une campagne de publicité, puis on va faire la publicité de la paix. Ça commence à Amsterdam. Alors, ils font un premier bed-in au Amsterdam Hilton, dans la chambre 702, et ils passent une semaine au lit. Et les journalistes qui sont là se précipitent, convaincus qu'ils vont avoir droit à des scènes. Olé, olé, comprends-tu? Et là, ils arrivent devant deux personnes qui sont habillées en pyjama blanc, attachées jusqu'en haut. Là, c'est très, très sobre, et qui veulent parler de paix, qui ont mis des pancartes, comme ici à Montréal, un peu partout avec le mot « peace », de telle manière que chaque fois qu'on fait une photo, il n'y a pas moyen de ne pas voir le mot « peace » dans la photo. Ouais. C'est une installation, ça aussi. Donc ça, c'est comme la première phase de la lune de miel. Tout à fait. Et donc, ils vont continuer, ils vont faire différentes activités toujours pour promouvoir la paix, et ils vont se retrouver comme ça à Montréal avec le deuxième bed-in après avoir essayé d'aller à Toronto, ça n'a pas marché. Ou d'aller à New York aussi à un moment donné. Ça n'a pas marché parce que, évidemment, Lennon, qui est britannique mais qui a été arrêté pour possession de cannabis, n'est pas bienvenu en territoire américain. Bref, c'est très compliqué. Même quand il arrive à Montréal, c'est compliqué. Les douaniers n'aiment pas ça. l'idée du bed-in, ça vient d'où? Et qu'est-ce qui appartient à John Lennon ou à Yoko Ono dans cette idée-là? Certainement, c'est l'époque des sit-ins qui existent déjà et des actions non violentes, de la résistance passive contre les armes. Et donc, moi, je crois que l'idée du bed vient sans doute de Yoko Ono, qui travaille beaucoup, qui fait déjà de l'art conceptuel, qui considère déjà qu'une instruction, quelques mots, c'est de l'art. Mm-hmm. Et le fait que peu à peu, ça va devenir de la musique, qu'on rencontre des gens, des activistes, parce qu'il y a Timothy O'Leary qui est ici, il y a Petula Clark qui est en ville aussi, tous ces gens-là sont concernés par la guerre et inquiets par la guerre au Vietnam. Je pense que Yoko est pour beaucoup dans l'idée de prendre des objets. Et John, par sa notoriété, devient le porte-parole. Ouais. C'est pas elle qu'on entend le plus souvent en entrevue, mais c'est sans doute elle qui, au départ, a l'idée. Puis je le disais au tout début de l'émission, on peut se questionner sur l'impact qu'a eu, de manière très concrète, ce Bedin pour le mouvement de la paix dans le monde, mais il reste que c'est ici, dans cette pièce où on est, qu'est créé le point de départ, en tout cas, de cet hymne à la paix, « Give Peace a Chance », c'est ici que ça s'est passé. Il en est où? Est-ce que Lennon, c'est nouveau pour lui, ou s'il y a dans la musique qu'il a fait jusque-là des traces de... Est-ce qu'il y a des signes déjà de... Oui. On pense aux chansons Revolution, on pense à la chanson All You Need Is Love. Les Beatles ont été quand même en Inde, essaient eux aussi de prendre position, mais plus ça va, c'est vrai qu'il y a peut-être une scission dans le groupe où, d'un côté, on va aller plus vers la musique plus populaire, ou en tout cas de la recherche musicale, alors que Lennon, lui... Il est tanné. Ouais. Il est tanné de cette vie. Il est épuisé. Et je pense aussi que quand il rencontre Yoko Ono, elle le calme. On en a fait souvent une espèce d'Ève qui tente Adam avec la pomme de la connaissance. Mais à mon avis, elle le sauve, en fait, de l'enfer. Ouais. Elle le sort pas du paradis. Elle le sauve de l'enfer parce qu'il est épuisé, cet homme-là. Il a vraiment, vraiment beaucoup bu, beaucoup fait beaucoup de choses. Et là... il a une femme qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle vaut et qui décide qu'elle va le prendre avec lui puis ça va bien aller. Donc, c'est une étape. Le Bedin de Montréal, je vous écoute, c'est une étape importante dans leur vie de couple. Tout à fait. Oh oui, c'est fondamental. Ils se mettent à être créateurs ensemble. Ils le sont déjà depuis quelques années. Ils ont déjà un disque ensemble. Mais les Bedin et cette idée de l'installation, la performance, c'est vraiment leur début... le plus publicisé à l'époque de leur rencontre comme artiste et comme homme et femme. I think they might think I'm going to hot up the revolution, you know, I want to cool it down. Il y en a qui croient que je vais enflammer la révolution, mais en fait, je veux plutôt la calmer. Je suis contre la violence, point final. Le recours à la violence ne crée que davantage de violence. Nous en avons eu la preuve aux États-Unis et plus récemment à Londres, après les manifestations de Grosvenor Square. Au final, nous n'avons vu que des gens brutalisés et des unes de journaux qui parlent de violence. Et ce n'est pas que de la faute aux médias, aux policiers ou aux manifestants. C'est seulement la preuve que la violence ne fonctionne pas. It was just because the whole form they take doesn't work, you know. It doesn't work because that's what happens when you do that. And we're saying this is one other way of doing it. This money, I'm using my money and my time. Je préfère utiliser mon argent et mon temps pour faire la promotion de la paix. Et lorsque nous n'aurons plus ni l'un ni l'autre, nous aurons enfin atteint cette paix. John Lennon en entrevue avec un journaliste dans la célèbre suite du Bedin de Montréal le 27 mai 1969, au jour 2 du Bedin. C'est intéressant, hein, Carl Bouchard, cet extrait qu'on vient d'entendre. Ça nous en dit déjà pas mal sur le climat social de l'époque. Vous en parliez au début, hein, le Bedin pour vous, c'est ça, c'est 1969, c'est cette décennie. Où en est le mouvement de la paix au moment du Bedin de Montréal? Oui, ben le mot-clé, c'est le Vietnam. Hein. C'est ce qui permet de faire basculer un mouvement pour la paix qui a été, depuis la Deuxième Guerre mondiale, tourné autour du péril nucléaire. Il y a tout un mouvement d'opposition à l'arme nucléaire, mais qui se construit aussi dans une tension idéologique. Et ce qu'on remarque quand on regarde le développement des mouvements pour la paix, c'est que en Occident, lorsqu'on parle de paix dans le contexte de la guerre froide, on est associé au communisme. Ouais. Et donc, c'est une des façons pour les autorités de discréditer le mouvement en disant « tous ceux qui parlent de paix, ce sont des communistes. Nous, en Occident, on parle de la liberté. » Et donc, le terme « liberté » devient le mot-clé pour les puissances en Occident. Et donc, le mouvement pacifiste a de la difficulté à sortir de ces dichotomies-là entre paix et communisme. Le mouvement d'opposition à la guerre du Vietnam fait basculer les choses. Pourquoi? Parce qu'on a là, pour une des premières fois un pacifisme qui s'internationalise. Ouais. Ce n'est pas simplement des mouvements américains, mouvements britanniques qui commencent à prendre, à émerger, mais là, on a un mouvement d'opposition générale. Et les premières manifestations monstres aussi arrivent à ce moment-là. On a eu des mouvements de coordination importants dans les mouvements pacifistes dans les années 30, par exemple, dans le contexte du désarmement, mais jamais on va aller chercher 100 000 personnes, comme ce sera le cas à Washington, par exemple, en 65. Puis je reviens à l'extrait qu'on a entendu. Il y a cette volonté chez Lennon de changer le modèle un peu. Il y a deux groupes qui s'affrontent chez les pacifistes. Absolument. Il y a les violents et les non-violents. Ben, les violents. En fait, les radicaux. Les radicaux, ceux qui pensent que ça fonctionne par des gestes, une pression politique très, très forte. Un peu, il y a un peu trois mouvements. Il y a la vieille gauche, pacifiste, de tendance trotskiste qui est liée au mouvement ouvrier. Il y a une nouvelle gauche étudiante qui, elle, est beaucoup plus radicale et qui, justement, fait des grosses manifestations. Les sit-ins, dans le contexte du Vietnam, c'est brûler les drapeaux américains, c'est brûler la carte de conscription. Donc, des gestes radicaux. Et puis, il y a des mouvements un peu plus modérés qui, eux, essaient de faire le pont entre le radicalisme militant et puis le pouvoir. Et puis, arrive le geste un peu fou de Lénine dans cette chose qui vient brasser un peu la cage de ces mouvements. Et pourquoi, en fait? Parce que c'est vrai que c'est nouveau. Ils inventent cette nouvelle stratégie, ce nouveau type de manifestation, le bed-in. Ça, c'est nouveau dans l'arsenal des militants pour la paix. Pourquoi? Pourquoi un bed-in? Oui, ben, le fait qu'on utilise bed-in, ça correspond aussi à sit-in, il y a un peu l'association, l'analogie. Ben, le bed-in, c'est, et John Lennon le dira à un moment donné, c'est une façon aussi de désarçonner le pouvoir avec des gestes qu'il ne comprend pas. Et ce que Lennon va dire, par exemple, c'est que les politiques ne comprennent pas l'humour. Alors, on va les désarçonner à travers l'humour. On va leur faire un truc et ils ne seront pas capables de répondre à ça. Ouais. Et ils ne pourront pas m'accuser d'être communiste parce que je n'ai pas les paroles communistes, je suis en train de faire autre chose. Donc, c'est ce qui contribue à l'originalité du mouvement, effectivement. Et comment c'est, parce qu'encore une fois, c'est tout nouveau, là. Il y a une approche vraiment originale. Comment c'est accueilli? Cette affaire-là, il faut se replacer à l'époque, en 1969, comment s'est accueilli le bed-in dans les milieux qui militent pour la paix? Assez mal, justement, parce que ce n'est pas orthodoxe, ça correspond à autre chose. Pour les militants les plus radicaux, c'est pas comme ça qu'on va faire avancer la cause de la paix, c'est à travers des gestes beaucoup plus forts, c'est à travers les pétitions, c'est à travers l'envoi de lettres aux hommes politiques, c'est à travers des grandes manifestations. Ce ne sont pas des gestes qu'on considère anecdotiques et puis qui servent surtout à Lénine et à Yoko Ono, qu'on va faire passer la paix. Mais on reviendra tout à l'heure sur la question de l'impact, parce que c'est peut-être la chose la plus importante aussi à garder en tête sur... parce que je pense pas qu'il y a un impact monumental sur l'événement. Mais en même temps, c'est pas comme ça, je pense qu'il faut qu'on voit le geste dans le contexte du développement des mouvements pour la paix. On reste là, donc. Oui. On m'a amené sur le tarmac, naturellement. Il y avait déjà 500-600 fans qui étaient là. Puis c'est là que je donne la main à John. J'ai dit, je m'appelle Dominique Cobello. Et puis, je suis un producteur. J'ai dit, as-tu un hôtel de réservé à Montréal? Il dit non. Alors, je vais te réserver ça à un hôtel au Reine-Élisabeth. Mais c'était vraiment improvisé là, de A à Z. La police de Dorval craint les débordements. La police de Dorval, ils ont dit, on s'excuse, mais on est obligé de vous amener à l'extérieur de l'aéroport. Vous faites trop de troubles présentement. Là. Il y a trop de troubles à l'intérieur, puis c'est pas assez sécuritaire. Il a appelé un taxi qui était à côté. Ils ont embarqué dans le taxi, puis se sont rendus au Reine-Élisabeth. Et au moment où est-ce qu'il est rentré dans la chambre, il a sorti tous les meubles. Alors, il y avait une suite. Il y avait la 1741, 42, 43. Il a commencé déjà son organisation, puis il était pressé de le faire. Mais on ne savait pas pourquoi il était là. Je ne savais pas si c'était un bed-in ou si c'était quoi en principe. We're here as a protest against violence. Mais j'ai passé la semaine là avec lui. Come together right now, over me. Le producteur Dominique Cobello à l'émission Tout le monde en parlait, diffusée en août 2014. Quand on parle du Bed In de Montréal, c'est de la chanson Give Peace a Chance, dont on se souvient évidemment, mais aussi de cette chanson. C'est moins connu, mais la chanson qu'on vient d'entendre, Come Together, a aussi un lien avec le Bed In de Montréal. Il y a un activiste à l'époque, l'activiste américain Timothy Leary, qui est un grand défenseur de la consommation de LSD, toujours dans ce contexte des années 60, qui était au Bed In de Montréal. Il voulait que John Lennon lui écrive une chanson. Au moment où il pensait, il ne fera pas, mais être en campagne contre Ronald Reagan pour devenir gouverneur de la Californie. Et cette chanson, ça a fini par être donc la chanson des Beatles, Come Together. On va revenir, Gilles Goujon, à l'extrait qu'on vient d'entendre. Vous étiez là, vous avez cet avantage-là, mais il y a toutes sortes de rumeurs qui vont circuler. Comment il se retrouve à Montréal? Qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord, on sait qu'effectivement, il voulait aller à New York. C'était pas possible pour des histoires de consommation de marijuana. On voulait pas le laisser entrer aux États-Unis. Mais est-ce qu'il se retrouve complètement par hasard à Montréal ou pas? Il s'est retrouvé à Montréal un peu par hasard, à mon avis. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que 2 ans auparavant, à l'Expo 67, au pavillon de la jeunesse, j'étais animateur des débats publics tous les jours. Et le sujet qui tous les jours revenait, c'était comment est-ce qu'on agit pour ou contre la guerre au Vietnam. Ouais. Il y avait déjà un creuset de discussions publiques qui se passait à Montréal, 2 ans avant que Lennon vienne ici. Il le sait, ça. Il y a une option naturelle pour lui. Je ne peux pas aller à New York. Tiens, voilà. Le Canada, ça paraît être une bonne idée. Montréal, c'est la plus petite des grosses villes d'Amérique du Nord ou la plus grosse des petites villes, si vous voulez. Mais il y a ici il y a de la place pour respirer, il y a de la place pour s'exprimer. Et n'oubliez pas qu'on sort de la Révolution tranquille en 69. Lui, il ne sait pas, mais nous, on le sait. Donc, il y a une tolérance, il y a une ouverture. Et il se retrouve à l'hôtel Reine-Élisabeth dans un contexte où c'est, comme on dit en chinois, le free-for-all. Ouais. C'est complètement débile. Ça ressemble à quoi? Vous étiez là, vous? Cette chambre-là où on est? Là? Ça ressemble... C'est comme si vous dites à des gens... Sortez, il y a le feu, puis à l'extérieur, on dit non, c'est pas vrai, il y a pas le feu. Ça rentre, ça sort, c'est complètement fou. Nous étions environ 200 à 300 membres des médias, pseudo-journalistes, des gens qui s'improvisaient, des gens qui arrivaient avec des guitares, qui voulaient faire de la musique. Il n'y avait rien de contrôlé, mais en même temps, le monsieur Cobello, dont on a entendu l'extrait, il était à la porte, je me souviens, puis il faisait semblant de filtrer les gens qui rentraient. Personne ne se faisait refuser, sauf... quand vous ne pouviez plus entrer dans la chambre. Alors, nous, on a pu entrer parce qu'on a forcé, d'abord, depuis quand un journaliste se laisse empêcher d'entrer quelque part. Et puis, on s'en venait faire une interview qui avait été improvisée rapidement. Ouais. Et puis, mais on était dans un brouhaha absolument délirant et créatif. Est-ce qu'il se fume des substances illicites dans cette chambre, Gilles Goujon? Il y avait des odeurs. Les herbes de Provence. Il y avait des petits nuages bleus qui se promenaient un peu partout. Et c'était de la même façon qu'on l'avait vécu en 67 au pavillon de la jeunesse. C'était un endroit où on tolérait beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, je retrouvais ici cette même tolérance. Je pense que Montréal est une ville d'une grande tolérance. Ouais. Et puis cette envie, cet état d'esprit de vouloir l'amour et la paix et qui va donner ce qui suit. On s'amène dans cette chambre d'hôtel du Reine-Élisabeth qui avait un plafond d'à peu près 7 pieds, c'était ridicule, avec des murs en plastrés, là, qui, ça résonnait de partout dans ça. Et il y avait, je ne sais pas, mais il y avait tout le monde qui était là, c'est incroyable. Il y avait peut-être une quarantaine de personnes dans cette petite suite-là. Tout le monde frappait sur les tables, sur les bancs, sur les livres de téléphone. Enfin, c'était complètement ridicule. Les guitares à terre, tout le monde était stone. Enfin, bon. Et ce qui est arrivé, c'est un désastre, évidemment. Bon, ce qu'on appelle dans le métier standing wave, c'est des zones qui rebondissent d'un mur à l'autre. Qui s'annulent les unes les autres. Qui s'annulent. Enfin, bon, finalement, comme enregistrement, c'était de la merde. Mais comme événement, c'était grand. La presse internationale était là, tout le monde était là. Il fallait sauver les plats. Alors, je suis parti avec le master, par moi-même. Et là, je suis retourné à mon petit studio à Brassard. Et là, j'ai appelé tous mes amis. Et j'ai dit, écoutez, là, vous voulez chanter sur un disque des Beatles? Ils ont dit, oh, you're kidding! Je dis, non. Alors là, je retourne le lendemain. Alors, j'ai fait chanter. Là, on a fait un petit party au studio. Tout le monde est venu, tout le monde chantait sur le disque. Et là, le lendemain, j'ai retourné au Reine Elizabeth. Et là, John a dit, so how is it? J'ai dit, John, it was terrible. Ben, j'ai dit, j'ai fait quelques petits changements. Je voudrais que tu écoutes ça. Ah, il dit, wonderful. Il dit, absolutely wonderful. Le Bédine de Montréal, c'est aussi, bien sûr, cette chanson inoubliable, Give Peace a Chance. On vient d'entendre le producteur de disques, André Perry, raconter les circonstances dans lesquelles il va enregistrer cette chanson, la retoucher aussi. Quelle importance, Carl Bouchard, a cette chanson-là? Je me tournerai vers Marie-Christine Blais sur le plan musical dans un instant, mais dans l'histoire du mouvement de la paix. Bien, c'est une des plus connues déjà. Elle est surtout importante. Bien, déjà, c'est un succès populaire, hein, donc la chanson va connaître un certain succès. Elle est facile à chanter, donc ça aide. La plus grande résonance dans un premier temps, c'est quelques mois plus tard. Dans le contexte justement des manifestations contre la guerre au Vietnam, on instaure ce qu'on appelle le moratorium pour d'opposition à la guerre. Donc chaque jour aux États-Unis, chaque mois, des associations proposent de faire une journée de grève pour protester contre la guerre au Vietnam et de mois en mois d'en faire une de plus jusqu'à arriver à complètement paralyser le pays. Et en novembre 69, il y a une très, très grosse manifestation dans le cadre du moratorium à Washington. 500 000 personnes sont présentes. Et Pete Seeger, sur la scène, pendant un spectacle, décide de chanter « Give Peace a Chance ». Très mauvaise interprétation de « Give Peace a Chance », mais il y a 500 000 personnes qui chantent avec lui. Et même pour Lennon. Lennon a dit que c'était un des plus gros jours de sa vie, cet événement. Et là, ça donne une portée planétaire à la chanson. Et c'est devenu cet hymne pour la paix. Dans le Newsweek de la semaine qui va suivre, après cette manifestation, on y écrit « Le mouvement pour la paix n'a pas de leader, mais il a maintenant une hymne. Ouais. » Donc, c'est devenu la chanson qui marche, en fait, pour aller fédérer, en fait, les opposants à la guerre. Dans l'histoire de la musique, Marie-Christine Blais, est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui ressemble, qui se rapproche de cette chanson? Oui, c'est « Imagine » de John Lennon, 2 ans après. Ce qui est intéressant, en particulier de « Give Peace a Chance », c'est que c'est quasiment un mantra. Hein? Ouais. C'est toujours répété et absolument n'importe qui, surtout si c'est pas joué de la guitare, peut le faire. c'est vraiment, c'est pour ça que c'est très fort absolument. Aussi comme chanson. N'importe qui peut la chanter et la comprendre, la répéter, et puis ça a un effet assez entraînant. Mais « Imagine », qui elle est peut-être plus, je dirais pas complexe, mais qui a vraiment une structure avec des couplets... qui se joue très facilement aussi à la guitare, c'est à peu près, à mon sens, les deux chansons qui ont autant d'importance artistique et pour la paix. Ouais. Et ça revient toujours un peu, le Bedin, comme cette chanson, ce sont des gestes artistiques qui s'inscrivent dans le mouvement pour la paix. Et c'est peut-être ça qui est différent aussi à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus courant. Ce que voulait Lennon. Ce que voulait, c'est ce qu'il était capable de faire aussi. Hein. Puis même au niveau musical, ce qui est intéressant, Lennon le disait, il dit, bon, le refrain, tout le monde peut le chanter. Les couplets, vous pouvez chanter ce que vous voulez. C'est pas grave. Et puis effectivement, c'est ce qui est arrivé aussi. Les gens chantent un peu n'importe quoi. C'est comme Jean du pays. Exactement. Une autre manière d'hymne. Gilles Goujon, justement, on revient à vous, à cette entrevue que vous allez réaliser, c'est pas rien, entrevue exclusive. Vous allez vous retrouver dans ce lit, là, juste devant nous, avec John Lennon et Yoko Ono, et ça va donner ceci. What is the importance of classical music in your life? It's not very important to me. Quelle a été l'importance de la musique classique dans votre vie? Ce n'est pas très important pour moi parce que c'est de la vieille musique. Because it's old music. But do you think the music you're doing now one day will become old music? Yes, sure. Mais pensez-vous que la musique que vous faites présentement deviendra un jour de la vieille musique? Oui, bien sûr, mais j'espère qu'elle ne va pas s'intellectualiser comme la musique classique. À une autre époque, la musique classique était vivante et populaire, alors que maintenant, c'est comme un musée. On devrait l'oublier. And now it's like a museum, you know. It should be forgotten. You mean that today we're maybe dancing to your music and in 100 years from now we can... Vous voulez dire que nous dansons aujourd'hui sur votre musique alors que dans 100 ans nous allons nous asseoir pour l'écouter attentivement? Oui, quand nous créons notre musique, que ce soit celle des Beatles ou de John et Yoko, nous nous assoyons pour l'écouter et plusieurs de nos fans font la même chose. En une seule note, vous pouvez entendre toutes les variations et modulations d'une symphonie de Beethoven. Si vous avez des oreilles, vous pouvez l'entendre. And this, in one note, there's as much variation and modulation as there is in a whole Beethoven symphony. And if you have ears, you can hear it. Ce qu'on vient d'entendre, Gilles Goujon, c'est absolument exceptionnel parce que pendant des années, cette entrevue que vous avez réalisée en 69 avec John Lennon et Yoko Ono, vous pensiez, tout le monde pensait que cette entrevue-là, elle était perdue, disparue. Et Télé-Québec, il y a très, très peu de temps... Il y a deux semaines. Il y a deux semaines, vous apprend que, Eureka, on a retrouvé cette entrevue-là. C'est Noël pour vous. J'ai été estomaqué. Ça s'est passé de la manière suivante. En 68, j'ai été embauché comme premier animateur à Radio-Québec. J'animais une émission sur l'histoire du Canada. Radio-Québec, c'est une fonction éducative. Il y avait aussi un réalisateur de Radio-Québec qui avait eu le projet de raconter l'histoire mondiale de la musique. Que ça. Et c'était fait pour les anglophones du Québec, parce que le ministère de l'Éducation produit des choses pour les anglophones. Et ce producteur, ce réalisateur, Jean-Pierre Paris, avait pris contact avec l'équipe de Lennon à Londres. Puis tout à coup, il apprend que Lennon serait à Montréal. Et il m'accroche parce que Radio-Québec commençait à l'époque. J'étais le seul animateur. Il me dit « Es-tu libre cet après-midi? » Je dis « Oui, ben viens avec moi, j'ai besoin d'un journaliste. On va interviewer Lennon. » Je dis « On y va, d'accord. » On entre ici dans la salle. C'est plein de monde. Et puis, tout à coup, il y a quelqu'un qui se lève et qui dit « Everybody out except Radio-Québec ». Là, c'est la consternation chez les autres journalistes, chez tout le monde qui se font mettre dehors. Parce que d'abord, personne ne connaît Radio-Québec. Ouais. On n'a pas d'antenne, ouais. On n'existe pas. Et ça se vide. Je me retrouve donc avec Yoko Ono et Lennon au lit, dans leur lit, le réalisateur, le preneur de son. Mais comme ils sont au lit... Il faut que j'enlève mes chaussures parce qu'il faut que je monte dans le lit. Ouais. Habituellement, je ne me couche pas avec mes chaussures. Alors, donc, je m'assois à côté d'eux et je me suis dit, ça va prendre 5 minutes. Il fallait demander à Lennon quelles ont été vos influences qui ont fait que vous êtes devenu musicien. Ouais. Sauf que Lennon et moi, ça a marché. On est de la même génération. Et ce n'est pas une entrevue, ça devient une conversation qui a duré, à mon avis, 20-25 minutes. Puis même s'il était ici pour parler de paix, là, on vient d'entendre un petit extrait, mais ça a dû lui faire du bien de parler de musique et de parler autre chose. Il répétait la même chose pendant 8 jours, Moi, j'ai parlé de paix avant puis un peu après, mais l'extrait qu'on a maintenant, qui est 5 minutes, qui est le montage final qui avait été conservé et retrouvé à Radio-Québec, à Télé-Québec, c'est une partie de la conversation que j'ai eue avec Lennon. Et donc, on a fait cette interview-là. Yoko Ono, j'avais oublié que Yoko Ono intervient aussi pendant l'entrevue, qui raconte ses origines de musicienne classique et tout ça. Merci beaucoup, bonjour. Je remets mes souliers et on part, on se retourne à Radio-Québec. Incroyable. Et moi, ensuite, je laisse le réalisateur s'occuper de ces choses et je retourne à l'émission sur l'histoire du Canada dont je m'occupais. Êtes-vous conscient au moment où vous êtes dans ce lit-là de la chance que vous avez? Non. Non. Ça, c'est comme lorsqu'on couvre un événement dramatique, on n'a jamais peur. C'est après. Quand je suis rentré à Radio-Québec, j'ai dit « Wow ». J'ai interviewé John Lennon. Et ça s'est resté imprimé en moi, là encore aujourd'hui. Mais ce que je retiens surtout, ce n'est pas nécessairement de ses réponses, c'est sa générosité, son ouverture, son plaisir qu'il avait de converser avec un gars qui avait à peu près son âge. De fait, si Lennon et moi, on avait été Américains, on aurait été au Vietnam. Ouais. On aurait été draftés, comme on dit. Donc, il y a eu une conversation entre ce monsieur-là et puis sa femme qui est intervenue de temps à autre. Et puis, ça a été ça, cette aventure. Écoutez, j'ai passé une demi-heure au lit avec John Lennon et Yoko Ono. Pas grand monde qui peuvent dire ça. Parlez-moi, Gilles Goujon, on ne l'a pas fait encore, on va sortir un petit peu de la suite, mais on ne va pas trop s'éloigner. On va rester au Québec. Quel genre de couverture ça a? Qui s'intéresse à cet événement-là? Qui sont les journalistes qui sont présents à la suite? Puis quel genre d'écho ça a dans notre contexte québécois? Bien, ce qui est arrivé, c'est que d'abord, j'étais seul. Il n'y avait pas d'autres journalistes qui ont assisté à cette entrevue-là. Le lendemain, si vous consultez les débats de l'Assemblée nationale, le chef de l'opposition, Jean Lesage, qui avait été battu aux élections précédentes, se lève en chambre et dit « Monsieur le Président, j'ai une question à poser au premier ministre, M. Bertrand. Comment se fait-il que Radio-Québec, qui est une émission qui va interviewer un gars dans son lit, on sait ce qu'on fait dans un lit, il est avec sa femme, il est en pyjama, monsieur, comment ça... » Et les débats ont duré, j'ai regardé, c'est plus de 20 pages dans les débats de l'Assemblée nationale. Et Jean-Jacques Bertrand qui bafouille et qui dit « ben je le sais pas, c'est dans les journaux d'aujourd'hui, je vais m'informer ». Ils vont souper, puis après le souper, ils reviennent à l'Assemblée nationale, puis là, il y a ses réponses. Et c'est devenu, on a blâmé Radio-Québec d'avoir fait une entrevue avec un fumeur de potes qui était en pyjama dans un lit avec sa femme. Vive l'Assemblée nationale. Et quand on regarde, je ne sais pas si vous avez vu ça, Gilles Goujon, juste avant l'émission, je regardais les registres d'époque de l'hôtel, les commentaires qui sont notés par les employés. Et effectivement, on se souvient, puis on parle de cet événement ensemble aujourd'hui, en soulignant la portée que ça a eue. Mais je peux vous dire que si ça a dérangé des députés à l'Assemblée nationale, ça a dérangé du monde pas loin d'ici, dans le corridor aussi. Ah, les clients qui se plaignent, qui appellent la réception, qui se plaignent de ce qui se passe dans cette suite 1742. Le bed-in de John Lennon et Yoko Ono se termine le 2 juin 1969, donc à peu près une semaine qu'il passe ici. Mais ça va avoir des suites. J'avoue que c'est en préparant l'émission que j'ai découvert cette partie-là, l'après bed-in. Ils vont rencontrer John et Yoko le premier ministre de l'époque, Pierre-Éliott Trudeau, en décembre 69. On écoute l'historien Richie York en parler en entrevue au réseau anglais de Radio-Canada en décembre 2000. Even though they were anti-political in many ways, they'd never had the opportunity to meet with a world leader. Même s'ils étaient contre le monde politique en général, ils n'ont jamais eu l'occasion de rencontrer un leader politique. Les leaders britanniques, entre autres, ne voulaient pas être associés à des figures du rock and roll considérées comme des fous par certains. Rock and roll. Crazies, you know, people you wouldn't associate with. Pierre Trudeau, however, had a bit more perceptive view on things. Pierre Trudeau avait cependant une vision différente et il voulait absolument rencontrer John et Yoko. Pour eux, c'était important de rencontrer un leader politique qui était sympathique à leurs idées. Trudeau les a accueillis chaleureusement et la rencontre a duré plus de 45 minutes, alors que seulement 15 minutes avaient été prévues. Went on for like 45 or 50 minutes. It's only been scheduled for 15. And they just got into a whole lot of topics. He was a very kind of sensitive, almost like an artist kind of. Monsieur Trudeau était une personne très sensible et délicate, un peu comme un artiste. La première chose qu'il nous a dite, c'est qu'il avait lu le livre de John et que ça lui avait permis de relaxer. C'était génial. C'est Yoko Ono qu'on entend à la toute fin de cet extrait. On s'interrogeait, Carl Bouchard, un peu plus tôt dans l'émission, sur l'impact qu'aura eu ce bed-in. Mm. Il y a un début de réponse. Pour le couple, Lennon et Yoko Ono, un impact très concret, c'est qu'ils n'en ont pas rencontré beaucoup de leaders politiques. Exactement. Ils rencontrent un premier ministre, ils rencontrent un premier ministre d'un pays qui incarne aussi auprès d'une jeunesse, d'une population mondiale, un pays en émergence, apôtre du multilatéralisme, qui a contribué à la formation des casques bleus. C'est la version tolérable de l'Amérique. Là, il se passe des choses ici qui ne sont pas possibles aux États-Unis. On a un jeune premier ministre. Donc, c'est sûr que pour eux, c'est un événement important. Puis là, on peut le dire, c'est un impact direct. Ce n'est pas toujours évident de savoir quel est l'impact de ce genre d'événement. Là, on a un impact direct au niveau politique. Et ce ne sont pas tous les leaders pacifistes aussi qui ont l'occasion de rencontrer des hommes politiques d'importance. Donc, c'est un geste qui a déjà son importance. Et puis, il y aura une histoire qui va se développer dans la suite du bed-in avec le Canada. Au-delà de cette rencontre avec Pierre-Éliott Trudeau, le couple va revenir à Toronto dans un festival organisé en septembre 69. Donc, entre le bed-in et la rencontre avec Pierre-Éliott Trudeau, ils seront à Toronto en septembre 69. Qu'est-ce que ça représente pour Lennon, que représente le Canada et plus largement, que représente le Canada à ce moment-là dans ce mouvement, dans cette histoire de la paix? Ben, c'est on l'a évoqué tout à l'heure avec M. Goujon, c'est aussi un sanctuaire, le Canada, dans le contexte de la guerre du Vietnam. Les déserteurs viennent ici. Exactement. Mm. Les gens viennent, les Draft Dodgers, ceux qui refusent de partir au Vietnam vont venir au Canada. Donc, les mouvements pacifistes canadiens sont très associés avec les mouvements américains et ils sont très proches. Donc, Donc, Montréal va devenir un des lieux, justement, où on va accueillir le plus de soldats américains qui ont quitté et qui ont déserté. Donc, pour le mouvement pour la paix, ben, le Canada a quand même sa place à l'intérieur de ça. Il faut dire aussi que le grand avantage du Canada, c'est que c'est à 40... Montréal, c'est 45 minutes des États-Unis. Oui. Donc, il y a aussi cette proximité-là qui permet de poser un geste comme celui-là à Montréal et puis que tout de suite, la résonance arrive à New York, par exemple, et puis à Washington. Donc, il y a aussi cette proximité géographique qui est très intéressante pour Lénine. Oui, Gilles Goujon, on a parlé de l'impact, comment certains députés de l'Assemblée nationale ont réagi à votre entrevue et à ce qui se passait dans cette suite 1742. Puisqu'on est sur la place du Canada dans cette marche, dans ce mouvement pour la paix, quel genre de résonance ça aura, le Bédine, la couverture, en fait, que ça aura, cet événement-là, dans le monde? Dans le monde, je ne pourrais pas vous dire comment ça a eu un impact à long terme. C'est évident qu'à court terme, le nombre de journalistes américains qui sont venus à Montréal parce que Lennon ne pouvait pas aller aux États-Unis oui. a fait en sorte qu'il y a eu, au sud de la frontière, il y a eu un très grand impact. Ensuite, l'Europe était un peu déconnectée de cette frilosité qu'on avait face à la guerre du Vietnam parce que ce sont nos voisins américains qui étaient engagés dans la guerre là-bas. Bon, il y avait eu la guerre d'Indochine avant avec les Français, mais dans ces années-là, ce sont les Américains qui étaient là. Et je pense que le fait que Yoko Ono et John Lennon aient décidé de s'étendre dans un lit plutôt que de prendre des pancartes et de marcher dans les rues, c'était une façon non pas d'arrêter un mouvement de protestation, mais de lui donner une autre dimension. Ouais. Et certains journalistes que vous avez croisés dans cette suite, certains journalistes américains, très critiques, puis je suis poli, là. Très critiques de ce qui se passait ici. Oui, tout à fait. Il y avait beaucoup de journalistes agressifs qui posaient des questions, de fait, idéologiques, qui disaient qu'est-ce que tu fais ici? De quoi tu te mêles? Pourquoi tu veux qu'on arrête de se battre? On se bat contre les communistes. Mmh. On veut pas que le communisme envahisse nos alliés dans le sud-est asiatique. Et donc, il y avait des journalistes qui aimaient la musique, des journalistes qui aimaient les arts et qui étaient ici, qui leur posaient des questions plutôt douce, sympathique, mais il y en a beaucoup qui étaient très agressifs à l'égard de John Lennon, qui était toujours d'un calme olympien vis-à-vis ces gens-là. Love is real. Big love, no war, that's all we're saying. Just remember that. Real is love. It's a bad end, folks. Peace, peace, peace, peace, peace, peace, peace. Love is feeling. I'm against violence, you know. Period. Feeling love. Quand on pense à John Lennon, ce geste-là domine autant que son répertoire de chansons. Et qu'il ait choisi de montrer qu'il avait une conscience sociale, c'est énorme. Et puis, il y a peu de gens qu'on admire de ce calibre-là qui prennent le risque de donner une visibilité à leur sensibilité, de dire qu'ils sont tristes, inquiets de notre sort. Je trouve ça admirable et je trouve que c'est un modèle. J'aimerais voir davantage des gestes semblables. John Lennon n'a jamais voulu être un prédicateur. Il ne voulait pas être Kennedy ou Mahatma Gandhi. Lui-même a dit, eux se sont fait descendre. Moi, ça ne m'intéresse pas d'aller là, mais je dois dire quelque chose. Il y a quelque chose qui me dérange. À ma façon, je vais montrer qu'on vit un temps et un phénomène qui est la guerre, qui est inadmissible, et je vais faire quelque chose. Et puis, le geste qu'il a posé ressemble à John Lennon. Il n'y a personne qui aura pensé faire ça. Je trouve que c'est merveilleux de laisser un héritage plus que quelques chansons pop. C'est merveilleux. Peace in your mind, peace on earth, peace at work, peace at home, peace in the world. Love is free. Free is love. L'auteur, compositeur, interprète Jim Corcoran, au moment de cette journée hommage au Bédine, diffusée à ICI Musique le 26 mai 2009. L'heure est déjà au bilan. Je suis très curieux de vous entendre d'abord, Marie-Christine Blais, sur ce que vient de nous dire Jim Corcoran, qui a l'air de dire que pour lui, Lennon s'est devenu d'abord cet homme de paix avant ce musicien de génie qu'il a été aussi. Je m'excuse, Jim, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, d'ailleurs, Yoko Ono et John Lennon, ici, sont indissociables. Pour moi, ce sont deux enfants de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. On oublie, ça, c'est des gens qui ont connu dans leur chair la Deuxième Guerre mondiale, qui deviennent artistes et qui décident que la paix, on doit essayer de la faire. Ouais. Give peace a chance. Et c'est la musique qui reste. Quand même, au final, l'année suivante, en 70, les Beatles n'existeront plus. Mm. C'est encore ça aussi, John Lennon, à l'époque. C'est encore un Beatles qui va disparaître peu à peu. Mais c'est aussi, je pense pour moi aujourd'hui, la victime de la violence. Parce que c'est troublant de l'entendre dire ça et de savoir que le 8 décembre 1980, il se fait descendre par quelqu'un. Ouais. Il se fait tuer à coups de balle. Et donc, c'est la violence qui aura raison de lui. Donc, et il reste sa musique pour se rappeler de lui quand même. Donc, d'abord un musicien de génie pour vous. Oui. En fait, l'homme de paix, c'est beaucoup... le conjoint de Yoko Ono, peut-être. Peut-être. Aussi. L'histoire va peut-être nous démontrer qu'effectivement, elle continue, elle en tout cas, énormément à défendre cette cause et à poser une foule de gestes à cet égard. Ben, il faut dire qu'ils ont continué en 69. Hein. Ben, le Bedin, c'est un geste parmi une campagne pour la paix, tu sais, qui va se terminer avec « War is over if you want it », avec cette grande campagne publicitaire à travers le monde. Donc, Lennon le dit souvent, ce qui m'intéresse, moi, c'est pas de m'opposer à la guerre au Vietnam, point. C'est de construire la paix, de mettre un terme à la violence. Donc, il y a quelque chose de beaucoup plus grand là-dedans. Et l'impact, on y revient. Ben, c'est le moment de clore l'émission. Ce bed-in, quel impact ça a dans cette grande histoire de la paix? Ouais. C'est toujours, à mon avis, c'est une fausse bonne question, la question de l'impact. On l'a abordé depuis le début tout à l'heure. C'est quoi l'impact? C'est quoi l'impact? Avec un geste, on peut faire une guerre. C'est-à-dire, on peut poser un geste et faire une guerre. Il n'y a aucun geste qui va arrêter les guerres. Mm-hmm. C'est un ensemble. Donc, quand on travaille en histoire de la paix, on essaie toujours d'écarter dans une certaine mesure la question de l'impact, parce qu'on ne peut jamais quantifier l'impact de ce genre d'événement. Ce que ça donne, c'est que ça change les normes peu à peu. Moi, quand je donne mon cours d'histoire de la paix au 20e siècle à mes étudiants, ils ont 18 ans, je fais travailler les étudiants sur la musique et la paix. Ben, quand quelqu'un parle de Give Peace a Chance, tous les étudiants connaissent Give Peace a Chance. Ouais. Donc, ils ont 18 ans. C'était un temps où ils étaient absolument pas nés. Ils connaissent cette chanson. Ça a son comme impact. Imagine. Ça change les normes. Ouais. C'est comme Imagine. Donc, il y a quelque chose comme ça qui reste. Ouais. Et ce sont des petits gestes. Et puis, ça fait que ça change la norme. Gilles Goujon, pour vous, 50 ans plus tard, il reste un coup formidable, une chance que vous avez eue. Pour nous tous, qu'est-ce qui reste de ça? Comme journaliste, j'ai couvert beaucoup de conflits, entre autres la première guerre du Golfe. Et il ne faut jamais oublier une chose, c'est que la première victime de toute guerre, c'est la vérité. Mmh. On apprend plus tard que ce pour quoi on se battait n'était pas les bonnes raisons, etc. Et ça continue comme ça. Ce qui me reste personnellement de cette rencontre-là, c'est que c'était un moment extraordinaire, non seulement comme journaliste, mais comme jeune journaliste, j'avais 25-26 ans. C'est un beau moment de ma jeunesse. Et quand, 11 ans plus tard, alors que j'étais en reportage aux États-Unis, au moment où Reagan venait de se faire élire, j'entends à travers les radios que Lennon s'est fait assassiner. C'est comme si on venait de tuer ma jeunesse. En tout cas, Gilles Goujon, merci. Vous étiez effectivement notre mémoire vivante aujourd'hui autour de ce micro, de ces micros. C'est important que l'un des invités le soit. Merci, Gilles Goujon, Carl Bouchard, Marie-Christine Blais, merci beaucoup. Merci. Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire, Mathieu Beauchamp, la réalisation, à la recherche Caroline Morin et Éric Saint-Pierre, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Ronald Georges, à la technique aujourd'hui Michel Saint-Pierre. Merci également énormément à l'hôtel Reine-Élisabeth d'avoir accepté de nous accueillir dans cette suite 1742. Et puis merci à vous, public restreint mais de qualité, d'avoir été avec nous. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. I hope